je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, l'émission, le podcast du jeu sous toutes ses formes, surtout si elles sont diverses et variées. Et pour m'accompagner comme toujours, Manuel Bedouet à ma gauche. Bonjour. Et aujourd'hui donc un invité plutôt chouette, on est plutôt content de l'avoir aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Florent Morin, aussi connu sous le nom de The Pixelunt sur les internets. Alors pour faire un peu la bio un peu rapidement, Florent Morin, tu te définirais plutôt comme un game designer, mais plutôt sous la forme journalistique. On t'a vu notamment donner des petits conseils pour For Mac Money de David Dufresne, le fameux jeu documentaire. Il y a eu aussi Jeu d'Influence qui a été lauréat de la rédaction Courrier International. Plus récemment, il y a Sauvons le Louvre, remarqué par Canard PC. Il y a Anarchie qui en tout cas attise la curiosité sur le net. Plein de choses. Mais peut-être je vais te laisser toi te définir pour mieux te présenter à nos auditeurs. Ouais, salut, bonjour à tous. C'est pas facile de se définir. Je crois que c'est d'autant moins facile que je revendique d'être un hybride. Je suis journaliste de formation. J'estime être toujours journaliste aujourd'hui. Et en même temps, je suis devenu game designer de fait. Voilà, je suis journaliste et game designer et je fais des objets qui tiennent à la fois du jeu vidéo et du journalisme. Alors quand je dis journalisme, c'est transmission de l'information au sens large, pas hard news quoi. Je suis pas dans une rédaction, je travaille pas au monde.fr par exemple, mais j'essaie de faire des jeux qui systématiquement transmettent de l'information d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, je vais reprendre la suite presque de la question et puis de ta réponse. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir game designer ? Parce que journaliste, comme tu l'expliquais, c'est ta formation. Mais devenir game designer, c'est un apprentissage qui s'est fait sur le tas, qui s'est fait par des expériences professionnelles, par des envies, par de la formation a posteriori ? Ça s'est fait d'abord par une constatation qui était de me dire, quand même, je fais un métier dans lequel je veux transmettre de la connaissance, du savoir, de l'information. Et à côté de ça, j'ai une passion qui est le jeu vidéo, et j'ai l'impression quand je joue au jeu vidéo que je ne fais qu'apprendre des choses. Sans m'en rendre compte, mais tu vois, il suffit de jouer 2 minutes à Mario pour te rendre compte que tu as appris que quand tu appuies sur la flèche droite, il va à droite, quand tu appuies sur la flèche gauche, il va à gauche, et quand tu le fais tomber dans un trou, il meurt, donc il faut pas le faire tomber dans un trou. La transmission d'informations, elle est inhérente à la manière qu'on a de prendre en main le jeu vidéo. Et je me suis dit, mais ça, cette caractéristique du jeu vidéo, est-ce qu'elle peut pas être utilisée à des fins de transmission d'informations autres que pour le divertissement, c'est-à-dire pas avec dans un jeu où Mario serait un plombier et qui visite des tuyaux pour sauver une princesse, mais dans un jeu où Mario serait un chef d'entreprise qui essaie d'utiliser les services d'un spin doctor pour tordre la réalité et convaincre l'opinion publique qu'il est innocent. Et donc à partir de là, je me suis dit si je veux essayer de faire ça, il faut que j'apprenne à devenir game designer. Et j'ai appris un peu sur le tas, un peu en ayant une pratique analytique du jeu et un peu en bouquinant notamment les références de Ralph Koester et de Jesse Schell. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle les titres, mais en gros, c'est Theory of Fun for Game Designer de Ralph Koester et Game Design, je ne sais plus comment ça s'appelle, Book of Lenses de Jesse Schell, qui sont les deux références. J'ai lu aussi pas mal d'autres livres, mais ces deux-là sont évidemment les plus marquants. On y reviendra. Je vais te poser une question qu'on se pose quasiment depuis maintenant 4 podcasts et qui pour moi est importante. Quelle est peut-être ta définition du jeu, puisque en fait c'est ça qui va ensuite influencer toute ton écriture du jeu. Bien sûr, ouais. Moi, j'essaie d'avoir une définition du jeu la plus large possible. Par exemple, il me semble que le fun, ce qu'on appelle le fun habituellement, n'en fait pas partie. Un jeu peut très bien ne pas être fun. Pour moi, un jeu, c'est une expérience interactive qui est régie par des règles dans laquelle l'utilisateur a un objectif à atteindre qui est plus ou moins clairement énoncé. Il n'est pas forcément toujours parfaitement clair, mais en tout cas, il y en a toujours un. Et dont le résultat varie en fonction des actions de l'utilisateur. Donc un jeu, c'est quelque chose qui ne peut pas exister sans le joueur, mais qui existe différemment selon les joueurs. Et quand je dis différemment, ça ne veut pas forcément dire seulement le score, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire différemment du côté du jeu, mais aussi différemment du côté du joueur. J'ai un ami qui s'appelle David Calvo, qui est game designer, mais aussi écrivain, poète, etc. Et qui appelle ça la poétique du jeu. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'essayer de s'intéresser à ça. Tout ce qui se passe du côté du joueur, dans sa tête, dans son imaginaire, dans sa perception, et que le game designer ne peut qu'espérer, mais qu'il ne contrôle pas, qui n'est pas contrôlé par le système, par les règles du jeu, qui est contrôlé par la personnalité du joueur, sa sensibilité, son expression, ses références préalables, etc. Et moi, c'est ça que j'aime dans les jeux vidéo, c'est tout ce qu'on peut exprimer par le système et les règles. Mais aussi tout ce qu'on ne contrôle pas, mais qui naît de manière organique dans l'esprit du joueur. Et cette poésie-là, c'est quelque chose il me semble, fait que le jeu vidéo est un art à part entière, comme le cinéma, la bande dessinée, la littérature et tous les autres arts qu'on peut connaître. Pour élargir un petit peu, parce que ludologie traite de jeux vidéo bien entendu, mais de jeux en règle générale, toi tu as une pratique de jeu hors jeu vidéo, je pense à du jeu de société, à du jeu de rôle, parce que questionner l'actualité et travailler la poétique, comme tu l'appelles et comme l'appelle David Calvo, c'est des choses qui sont peut-être pas nécessairement liées à l'intermédiaire de l'écran? Non, non, c'est sûr, mais moi j'avoue que je suis pas un vrai game designer. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre, en discutant avec tous les amis que j'ai qui sont vrais game designers, enfin quand je dis vrai, je sais pas s'il y a un vrai game designer, mais les gens qui vivent vraiment par et pour le jeu, adorent, j'ai l'impression, toutes les formes de jeu, y compris, et parfois même surtout, les jeux de plateau, les jeux de société, etc. Moi c'est pas trop mon cas, ça m'emmerde un peu rapidement les jeux de plateau et les jeux de société. Enfin, j'aime bien occasionnellement en faire avec mes amis, ou avec des proches, ou même avec des gens que je connais pas, mais c'est pas trop mon kiff. Et je pense que ça s'explique aussi parce que moi, je suis un game designer qui fait des gameplays pétés. C'est-à-dire que l'objectif que j'ai, c'est pas de divertir. L'objectif que j'ai, c'est pas d'imaginer un game design qui va être le plus honnête et le plus fair possible, dans le sens fair play. C'est-à-dire que je sais que par exemple, beaucoup de game designers vont avoir pour ennemi juré la stratégie dominante. Beaucoup de game designers vont aimer tester leur jeu, le prototyper, etc., dans un but particulier qui est qu'il n'y ait surtout pas de stratégie dominante pour gagner un jeu. Or, moi, je fais des gameplays cassés dans le sens où souvent dans mes gameplays, il y a une stratégie dominante. Il y a quelque chose qui vous simplifie la vie et qui vous amène à gagner plus facilement la partie si vous le comprenez. Pourquoi? Parce que mon but à moi, c'est vraiment de transmettre une information, de décrire un système qui, en général, est lui-même cassé. Et donc, mon game design est souvent cassé. Alors, c'est un petit peu un grand détour pour répondre à ta question, mais je crois que ma relative tiédeur par rapport à toutes les formes du jeu, bon, je fais quand même une lunette, par rapport à toutes les formes du jeu, et notamment les jeux de plateau, les jeux de société, etc. Elle vient du fait qu'en fait, je pense que je fais un game design qui n'est pas très élégant, qui serait pas jugé très élégant par les gens qui sont vraiment passionnés de game design. Alors justement, moi, quand je présentais donc une fois NDDL News Game, un projet que j'ai tenu avec Bastien Kerspern qu'on a rencontré précédemment, on m'a souvent opposé l'idée que le gameplay était binaire. Et donc toi aussi, toi tu justement, tu te revendiques de ce genre de gameplay un peu binaire où il y a une direction ou une autre et très très simplifiée en fait. Pas forcément binaire, mais ça m'étonne pas que le gameplay de Notre-Dame-des-Landes soit binaire, étant donné qu'il oppose très clairement deux camps. Alors, tu pourrais avoir des fantaisies qui permettraient de donner de la profondeur à ton gameplay, mais en fait, ton but quand tu fais Notre-Dame-des-Landes, c'est pas d'avoir un jeu profond, c'est d'avoir un jeu qui fait comprendre cette opposition entre les deux camps. Et donc, parfois, ça peut passer par une certaine profondeur et une certaine élégance de gameplay, Mais la plupart du temps, ce que tu as toi, c'est un produit qui va retenir l'attention 15 minutes, et au bout de 15 minutes, il faut que les gens aient compris ce que tu veux raconter. Ça ne veut pas forcément dire que tu as un parti pris et que tu veux faire de la propagande ou faire passer un message pro ou anti Notre-Dame-des-Landes. Ce que ça veut dire, c'est que tu es obligé d'avoir un game design un peu outré. Je dirais pas forcément binaire, je dirais outré, un peu à gros traits. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Je pense que parfois, c'est non seulement pas grave, mais en plus souhaitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait du game design qui n'est pas... Enfin, je parle pour toi, j'en sais rien, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, moi, je fais du game design qui n'est pas, qui n'a pas pour but premier de divertir. Je ne suis pas dans le game design de divertissement. Je n'ai absolument rien contre. J'adore jouer aux jeux vidéo de divertissement. J'y prends beaucoup de plaisir. Mais ce que je fais, moi, professionnellement, ce n'est pas ça. Mon but premier, c'est pas de divertir, c'est de transmettre une information. Donc, les impératifs de mon game design ne sont pas les mêmes que les impératifs du game design de game designer qui ont pour but de divertir. Et moi, ça m'emmerde quand on me reproche de faire des gameplays qui sont prévisibles ou pas assez profonds, parce qu'on juge mon travail avec une grille de lecture qui ne s'applique pas à mon travail. C'est comme si, je vais dire un cliché, mais c'est comme si tu essayais de juger un documentaire sur, je sais pas, la pêche excessive dans la vallée du Nil, avec la grille de lecture d'un blockbuster hollywoodien, quoi. Je pense que c'est pas possible. Il y a des choses en commun. On a utilisé une caméra, on a filmé des images, peut-être on a utilisé des acteurs si jamais ton docu sur le Nil, c'est un docu-fiction. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir, qui sont pas applicables d'un côté à l'autre. Donc voilà, je te dis ça, je m'insurge, c'est pas comme si on me le reprochait souvent, parce que malheureusement, la plupart des game designers que je connais ne sont pas très intéressés par l'idée de faire autre chose que du divertissement avec le game design, et ça, je le regrette aussi un petit peu. Alors justement, tu l'as précisé à plusieurs reprises, toi tu travailles le jeu et le game design pour transmettre une information. Qu'est-ce qui fait que le jeu, c'est un bon moyen de transmettre une information? Bah, à mon sens, hein, je suis pas sûr d'avoir encore fait le tour de la question, mais les choses que j'apprécie, moi, dans ce média-là, c'est la possibilité de se tromper, la possibilité d'essayer des choses que tu ne pourrais pas essayer dans la vraie vie, la possibilité de prendre la place de quelqu'un d'autre, éventuellement de développer une certaine forme d'empathie pour un personnage qui n'est pas toi. Je prends l'exemple de jeu d'influence. Le commun des mortels n'a que peu à voir avec un chef de grosse entreprise qui aurait recours au service d'un spin doctor, d'un conseiller en communication de crise. Mais quand vous êtes dans la peau de ce mec, il y a une forme d'empathie qui se met en place. Ça vous le rend pas forcément sympathique, mais ça vous aide à comprendre mieux sa problématique. Éventuellement pour la critiquer, mais néanmoins, ça vous aide à la comprendre mieux. Donc tout ça, la manipulation, l'essai-erreur, l'empathie à la place d'eux, et puis l'envie d'explorer un système qu'on vous propose, tout ça, c'est des mécaniques qui n'existent pas ni dans le cinéma, ni dans la vidéo, ni dans la photo, ni dans le texte, à quelques exceptions près, parce qu'il y a quelques textes qui pourraient s'en rapprocher un peu. Mais oui, l'empathie, on arrive quand même à avoir des choses avec un certain nombre d'auteurs dont la plume nous amène en empathie avec les personnages dont ils traitent, y compris des journalistes. Oui, bien sûr, l'empathie en elle-même, elle existe. Il y a une chose qui n'existe pas, c'est l'empathie par le faire. C'est-à-dire que quand je suis confronté à des choix qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux du personnage que j'incarne, il y a un degré d'empathie supérieur. Je vais donner un exemple concret. J'ai jamais pleuré devant un jeu vidéo. Je pensais que c'était impossible, en fait. J'étais un peu, tu vois, genre le tough guy qui reste insensible, même devant le plus larmoyant des Final Fantasy, j'étais resté l'œil sec, tu vois. Et je me la racontais un peu en me disant, oui, bon, bah, c'est les limites du jeu vidéo. Et puis j'ai joué à The Walking Dead, et la fin de The Walking Dead, je vais évidemment pas spoiler pour les gens qui ont l'extrême chance de n'avoir pas encore joué à la saison 1 de The Walking Dead, le jeu vidéo de Telltale, on me propose un choix, et je dois faire un choix au nom d'un des personnages. Et tu vois, je suis en train d'en parler, j'en ai la chair de poule, quoi. Encore aujourd'hui, je suis certain que j'aurais vu la même scène au cinéma, j'aurais été ému, évidemment, même s'il y a un petit côté cheesy, avec le pas de recul que permet la distanciation du cinéma, j'aurais peut-être vu plus. Mais le fait d'être la personne qui décidait entre deux destins tragiques, c'est moi qui tranche, quoi. Ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune autre forme d'expression Et c'est quelque chose qui est d'une grande puissance, à mon avis. Alors, à tel point justement que c'est repris par des forces parfois gouvernementales. On parle même, c'était dans un Chronic Art qui parlait récemment de militainment, c'est-à-dire de que le jeu devient un outil de divertissement, mais aussi de propagande militaire. Justement, quelle est la différence entre un jeu informatif et un jeu de propagande? Bah, la différence, c'est l'honnêteté du game designer, hein, tout simplement. C'est pareil, quelle est la différence entre une vidéo de propagande et une vidéo, un reportage, hein? C'est qu'une question d'homme au final. Le jeu, c'est comme un tournevis, ça n'est qu'un outil. En tout cas, quand on l'utilise à autre chose, oh, j'allais dire quand on l'utilise à autre chose qu'au divertissement, mais c'est même pas vrai. Même quand on l'utilise à des fins de divertissement, le jeu n'est qu'un outil entre les mains du game designer. Donc, quelle est ta démarche? Et quelle est ta bonne volonté d'exposer clairement ta démarche aux personnes à qui tu t'adresses? C'est pour ça que le jeu d'information, il me semble, doit être le fait de journalistes. En tout cas, si en tant que joueur, vous voulez avoir une vision à peu près honnête d'une situation, faut pas vous étonner que America's Army vous donne une vision complètement angélique de ce que c'est qu'être un GI. À partir du moment où on sait que dans America's Army, il est impossible d'incarner un terroriste, c'est-à-dire que il y a beau y avoir deux camps, chacun des deux camps a l'impression de jouer les gentils américains qui tirent sur les méchants terroristes, et l'autre camp, enfin l'autre des deux camps aussi, c'est-à-dire que par le développement, ils ont fait en sorte que toi, tu as toujours l'impression d'être un soldat américain et qui tire sur les méchants terroristes et l'autre en face de toi aussi. Il faut pas s'étonner, c'est l'armée américaine qui l'a fait. L'émetteur, c'est l'armée américaine. Bah, vous avez un contenu de propagande pro-armée américaine et ça sert même au recrutement. Après, si tu vas sur un site, voilà, si tu vas sur Le Monde, si tu vas sur les sites de France Télévisions, puisque France Télévisions est quand même un de mes employeurs principaux, tu peux légitimement t'attendre à avoir un travail qui respecte une certaine déontologie, une certaine éthique, qui, par exemple, essaie d'avoir une vision équilibrée. Et moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que j'essaie de rendre public mes sources documentaires, c'est-à-dire j'essaie de faire en sorte que ce soit facilement accessible de savoir d'où je tire mes infos. Et si on me le demande sur Twitter, je le dis, et j'essaie d'avoir le moins possible d'opacité autour de mon game design. Le premier jeu que j'ai fait dans cette optique-là, c'était Primaire à gauche en 2011 pour lemonde.fr, un jeu sur les primaires au Parti socialiste. Et tous les XL de scoring étaient tous des Google Docs publics que n'importe qui pouvait regarder. Et même sur notre blog, le blog qui accompagnait le jeu, on a encouragé les gens à venir bidouiller notre moteur de simulation, rajouter des personnages, rajouter des actions, etc. Et il y a des gens qui sont venus et grâce à eux, on a rajouté une dizaine ou une quinzaine de personnages et d'actions. En fonction des suggestions qu'ils nous ont faites. Et on a aussi un petit peu rééquilibré le gameplay du jeu. Donc voilà, moi j'essaie d'avoir une démarche journalistique dans mon game design, comme je peux l'avoir dans ma production d'écrit, ou si j'étais journaliste télé, dans ma production d'images. Voilà. Après, il n'y a pas de garantie absolue, si ce n'est le fait que vous soyez convaincu de ma bonne foi, quoi. Alors, pour poursuivre sur cette bonne foi et puis sur l'approche journalistique, tu citais deux des employeurs avec lesquels tu as pu travailler, Le Monde et puis France Télévisions, parce qu'effectivement, la plupart du temps, tu interviens en tant que prestataire pour produire auprès d'une rédaction ou avec une rédaction. Alors, ça m'amène plusieurs questions. La première, elle est assez simple, enfin, en tout cas pour moi à poser. Ça se passe comment avec les journalistes, parce que tu parlais tout à l'heure des game designers qui sont pas nécessairement très intéressés à l'actualité. J'ose imaginer qu'un certain nombre de journalistes ne sont pas très très intéressés au jeu. Oh oui, tu as tout à fait raison, mais en fait, le cas de figure que tu décris, le travail avec, voire dans des rédactions, c'est finalement quelque chose qui arrive relativement rarement. On l'a fait sur Primaire à gauche, et j'ai travaillé sur Primaire à gauche avec Nabil Wakim, qui à l'époque était chef du service politique du Monde.fr et qui maintenant est rédacteur en chef tout court, je crois. Et lui était hyper impliqué parce que le sujet l'intéressait, parce que le projet l'intéressait, parce que le travailler sur cette forme l'intéressait. Mais tout le reste de la rédaction n'était pas trop au courant de ce qu'on bidouillait dans notre coin. Et puis quand on a sorti le jeu, ils ont regardé ça, pour certains avec un œil tendre et intéressé, pour d'autres en se disant mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Aucun intérêt, c'est pas vraiment du journalisme, etc., quoi. Donc ça dépend de chaque, de la sensibilité de chacun. Mais par contre, maintenant, lemonde.fr s'est doté d'une cellule vouée à l'innovation sur les formes éditoriales qui s'appelle les décodeurs. Ils font pas mal de choses, ils font de la visualisation de données, ils font du crowdsourcing, ils font plein de trucs, et ils font aussi des news games. Et ça, je sais que comme c'est vraiment, ça vient vraiment de journalistes dans la rédaction, que c'est porté par eux, ça commence à être beaucoup plus reconnu. Et puis aussi, c'est tout bête, mais ça marche, quoi. Quand c'est publié, ça circule sur Twitter, ça circule sur les réseaux sociaux, les gens réagissent, certains très bien, d'autres pas du tout, ils disent que Hubert Bovemery se retourne dans sa tombe, etc. Donc ça ne laisse pas indifférent, donc c'est des objets intéressants. Mais je pense en gros, pour rebondir sur ta question, parce que j'imagine c'est peut-être un peu le sens de seconde cette question, que le news game n'arrivera dans les rédactions que par une initiative depuis l'intérieur des rédactions. Moi, pour avoir travaillé depuis l'extérieur de la rédaction et proposé des choses, j'ai bien vu que les journalistes ont déjà tellement de choses à faire et un emploi du temps tellement chargé que il faut vraiment qu'ils soient hyper motivés par les nouvelles formes éditoriales pour s'intéresser à l'utilisation des jeux vidéo. Et alors, comme tu le disais, tu travailles avec des rédactions, avec des médias déjà en place. Le jeu vidéo, c'est pourtant un média qui est capable de générer un chiffre d'affaires significatif. C'est trop compliqué quand on fait du jeu d'information d'éditer soi-même en parfaite autonomie, ou il manque peut-être, je sais pas, une légitimité journalistique pour pouvoir sortir un jeu de façon complètement autonome en dehors d'un média déjà existant? Ouais, je pense qu'il manque probablement une légitimité tout court. Je pense que malgré ce qu'on a envie de croire, nous joueurs, et malgré ce que les chiffres montrent, hein, le fait que l'âge moyen du joueur augmente sans cesse, le fait qu'il y a aussi pas mal de femmes qui jouent, malgré ça, jouer reste une activité qui est difficilement crédible. Par exemple, il y a plein de gens, notamment de femmes, pas seulement de femmes, mais notamment, que je vois jouer à Candy Crush, et quand j'en discute avec elles et je leur dis, mais toi tu joues? Elles me disent, non, non, je joue pas. Et je leur dis, Ah, mais si, mais t'as Candy Crush. on a eu de longues Ouais. discussions sur ce sujet dans nos précédents épisodes. D'accord. Bon, on évite d'y revenir, mais tout ça pour dire que il y a encore un problème de crédibilité générale du jeu en général et du jeu vidéo en particulier. Je ne dis surtout pas qu'il faut que le jeu soit absolument pris au sérieux. Encore une fois, moi, j'ai rien contre les jeux de divertissement, léger, passe-temps, tout ça, c'est des mots qui ne me hérissent pas du tout le poil, au contraire. Mais je dis que par contre, quand on essaie de faire des choses qui sortent de ce carcan du divertissement, ben on est bizarrement reçu, mais on est bizarrement reçu et par les gens qui pensent que le jeu c'est pas sérieux, c'est un truc un passe-temps pour adolescents attardés, parce qu'il y en a encore hein, malgré tout, même parmi des gens qui jouent à Candy Crush, hein, ils ont une pratique un peu honteuse, un peu comme de la masturbation, tu vois. Et aussi par les gens qui sont des gros fans de jeux et qui vont me dire mais laissez-nous tranquille, pourquoi vous voulez rendre ça sérieux? Il ne faut pas en faire autre chose que ce que c'est du fun, c'est du divertissement, c'est cool, c'est bien comme ça, et autant que ça reste comme ça, et si les autres ne comprennent pas, on s'en fout, on reste entre nous, etc. Et moi, les deux positions me posent beaucoup de problèmes. Par exemple, ça m'est arrivé, moi je suis un lecteur de Canard PC depuis longtemps, j'adore ce magazine, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller poster sur le forum de Canard PC des messages dans lesquels je parlais des jeux que je sortais. Et systématiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vois bien qu'il n'y a quasiment aucune réaction, personne n'y joue, jusqu'à ce que quelqu'un finisse 2 ou 3 jours plus tard par poster un message en disant bah dis donc, je pensais que ça allait être nul, mais j'ai joué, en fait, c'est cool. Et après, une fois qu'il y a une personne qui a adoubé, il y a une dizaine, une quinzaine de personnes qui essayent, qui se rendent compte que ouais, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment sympa, en plus, on apprend des choses, pourquoi pas? Mais il y a une espèce de barrière psychologique chez les gens qui sont des journalistes qui trouvent que le jeu, bon, c'est pas sérieux, mais aussi chez les gens qui sont des joueurs qui trouvent que informer avec, c'est quand même une drôle d'idée, quoi. Donc c'est vraiment, moi, je suis un petit peu prise en étau entre les deux. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Et alors, j'ai une troisième et dernière question dans la série de ta relation aux journaux déjà publiés et comment les jeux que tu produis s'inscrivent dedans. ne pas pouvoir, enfin, ou ne pas produire de façon autonome seule en dehors d'une rédaction, est-ce que c'est aussi lié au fait qu'on n'est pas sûr que les gens soient prêts à payer pour acheter un jeu d'information? Bah écoute, non, ça j'y crois vraiment pas. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, je suis allé acheter sur Steam un jeu qui s'appelle My Own War, ou je sais plus exactement comment. C'est un jeu documentaire fait par une équipe serbe dont le lead game designer, a priori, habitait à Sarajevo pendant le siège de Sarajevo en 92 et a vu les ravages de la guerre, etc. Et donc il a fait un jeu là-dessus. C'est le premier jeu de guerre dans lequel tu t'incarnes pas un soldat qui tire et qui essaie de tuer les autres, mais dans lequel tu incarnes des gens qui essaient, des civils qui essaient de survivre en temps de guerre. Je suis en train d'essayer de vous retrouver le nom parce que quand même, ça vaut le coup. The This War Is Mine, je crois, ou quelque chose comme ça. L'histoire of mine, ouais, je Of crois que c'est mine. ça. Ouais, voilà. Ça, je suis à peu près sûr que il y a le potentiel pour une super histoire intéressante. Ouais, c'est ça, This War of mine. Il y a le potentiel pour une super histoire, et si le jeu est bien, à mon avis, ça peut faire un carton. Parce que le jeu est bien, et en plus, la vision sur le réel. Tu peux te lier. Moi, j'ai rien contre l'heroic fantasy, les Halo, trucs dans l'espace, etc. Mais au bout d'un moment, ça ne peut pas être. Le jeu ne peut pas parler que de ça. Je trouve ça dommage de se couper d'une partie. De ce qui nous intéresse en tant qu'humains, qui est le monde, le vrai monde qui nous entoure autour de nous. Et il y a des jeux, SimCity, c'est un jeu qui, même si ça reste un jeu, hein, c'est-à-dire un jeu de divertissement avec des trucs qui ne sont pas très réalistes, etc., c'est un jeu qui vous parle quand même du truc le plus chiant du monde, à savoir le métier de planeur urbain, quoi. Les gens qui se. Je préférerais me pendre que faire ce métier. Pourtant, j'adore jouer au jeu et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur son succès commercial. Il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que une dose, il y a plein de, même dans les FPS classiques, je me souviens que quand Arma est sorti, quelque chose qui a été salué, c'était le réalisme, le fait que les balles n'avaient pas des trajectoires linéaires mais qu'elles étaient soumises à la gravité, le fait que tu ne pouvais pas porter 53 fusils mais que déjà quand tu en avais deux, tu galérais, etc., etc. Le rapport au réel était considéré comme un vrai plus qui apportait au game design. La série des Assassin's Creed, une grande partie de son succès vient du fait que il y a une reconstruction historique. Je ne vais pas dire réaliste parce que Mélenchon va se fâcher si je dis ça, mais en tout cas très intéressante des temps qui sont évoqués dans ces jeux. Après, il y a un arbitrage à faire. Je me souviens d'avoir lu l'interview de la lead game designer de Assassin's Creed qui disait, on essaie d'être le plus réaliste historiquement possible, mais à chaque fois qu'on a un arbitrage à faire entre réalisme historique et fun, on arbitre vers le fun. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir un jeu qui, à chaque fois qu'il aurait un arbitrage comme ça à faire, pourrait arbitrer du côté du réalisme historique. Est-ce que ça donnerait quelque chose de moins intéressant? Objectivement, j'en suis pas du tout persuadé. Alors justement, on arrive sur un point qui me semble important, justement, dans le jeu informatif, le jeu d'information, c'est que donc les exemples que tu cites, donc This War of Mine, Assassin's Creed, mais on peut aussi citer par exemple Soldat Inconnu qui a été produit par Ubisoft, ou plus récemment Never Alone, sur les Inuits, c'est que en fait ils sont financés par des éditeurs de jeux vidéo, donc des éditeurs qui pensent au fun. Et du coup, on se pose la question, comment on peut créer une sorte d'éditeur de jeux d'information qui financerait donc des jeux où l'information primerait sur le fun? Eh ben, au boulot, hein, Adrien. Non, mais je pense que c'est ça, en fait, le truc, c'est que à partir du moment où tu penses, où on pense, où je pense que il y a un marché, ben, c'est de la responsabilité des gens qui y croient d'inventer leur métier. C'est ce que j'essaie de faire avec The Pixel Hunt. Et moi, pour l'instant, je ne fais quasiment que des travaux de commande. Mais déjà, le fait qu'on commande montre quand même qu'il y a un intérêt. Les statistiques de consultation de jeux d'influence montrent quand même qu'il y a un gros intérêt pour cette forme. Et puis, la prochaine étape de mon développement, c'est de voir comment est-ce que je peux devenir un éditeur et pas seulement un studio qui va travailler pour des commandes. J'ai pas la recette miracle. Je pense que ça va être long et compliqué, les premiers producteurs de documentaires, je pense, ont été dans la même situation. Les premiers éditeurs de BD à éditer Art Spiegelman ou Joe Sacco, ils ont connu le succès parce qu'ils ont trouvé des auteurs brillants qui ont su rendre quelque chose d'hyper intense et d'hyper intéressant. Donc il faut qu'on trouve, il faut que je trouve, il faut que qui que ce soit que ça intéresse trouve des game designers qui vont être au top, des journalistes ou des documentaristes qui vont être au top et qui se mettent ensemble et qui font. Regarde, par exemple Type Rider. On peut remettre en question la portée documentaire des Type Rider. Néanmoins, un néophyte en matière de typographie, on peut pas nier qu'il va apprendre beaucoup de choses sur l'art et l'histoire de la typo. En jouant à Type Rider. Bah, Type Rider, c'est un jeu qui est sorti sur l'App Store, qui était payant et qui a vendu je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'exemplaires. Donc ça me paraît. Ça a eu un joli succès, effectivement. Mais alors, ça pose la question de aussi comment on convainc une structure comme Arte, donc pour Type Rider, ou pour Jeux d'influence, c'était France Télévisions. Comment on arrive à convaincre justement des structures avec des enjeux financiers assez importants tout de même, quels sont les arguments qui font poids? Bah, là, c'est deux cas différents pour rebondir concrètement sur ce que tu viens de citer. Type Rider, c'est un prototype qui a été fait dans une game jam, qui a convaincu, je crois que c'était David Carzon à l'époque, le chef du web d'Arte. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était lui. Il a vu le prototype, il s'est dit, mais là, il y a quand même vachement de potentiel, donc on est partant. Et Agathe Films Ex Nihilo, qui est un producteur audiovisuel, hein, c'est aussi lancé dans l'aventure, et ça, c'est une histoire d'homme. Hein. C'est parce que comment s'appelle le producteur Arnaud, je sais plus comment. On le retrouvera, on le mettra dans les commentaires. Ouais. C'est parce que lui est lui-même un Arnaud Collinard. C'est lui est lui-même un joueur, mais il est producteur audiovisuel, mais de nouvelles écritures aussi. Il a vu ce truc-là, il s'est dit là, il y a un potentiel de ouf. C'est bon, on est partant quoi. Donc ils ont été convaincus sur un prototype. C'est-à-dire, il y avait un niveau, c'était en flash, c'était tout moche et tout, mais il y avait le concept de on roule sur des lettres et on a un jeu de plateforme comme ça. Et ces deux gars-là étaient au bon endroit, ils étaient en position de décision, et ils ont dit ok, on est partant, on y va. Voilà. Pour jeu d'influence, c'est un peu différent, c'est l'auteur des documentaires télé, Luc Herrmann, qui se trouve aussi être le propre patron de sa boîte de production, Première Ligne Production, qui s'est dit, je vais faire un double documentaire sur les Spin Doctors, mais ce qui serait cool, ce serait d'avoir un truc sympa sur le net, et je pense qu'un jeu dans lequel on serait dans la peau d'un Spin Doctor, ce serait vachement bien. C'est lui qui avait l'idée à l'origine. Et donc, il allait chercher Julien Goetz, parce qu'il avait déjà bossé sur un projet web avec Julien Goetz, qui est l'auteur de Jeux d'influence, et Julien lui a dit, attends, elle est bien ton idée, mais on va plutôt se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui a recours au service d'un Spin Doctor. Et ensuite, Julien a dit, mais si tu veux que je fasse un jeu, j'ai besoin d'un game designer, et donc il est venu me chercher moi. Mais donc, on voit que dans les deux cas, c'est des gens qui sont en position de décideur, Luc Herrmann, le producteur et l'auteur des documentaires audiovisuels, dans un cas, Arnaud Collinard et son homologue d'Arte, dans l'autre cas, Carzon, David Carzon, c'est eux qui ont dit, on tente le coup, c'est un coup de poker, on va se lancer. Sans Boris Razon à la tête des nouvelles écritures de France Télévisions, je pense qu'on ne verrait pas beaucoup de projets audacieux. D'ailleurs, les nouvelles écritures de France Télévisions n'existeraient même pas, puisque le poste a quasiment été fait sur mesure pour lui. Il ne tient qu'à d'autres gens que ça intéresse de se débrouiller, à force d'efforts et de travail, pour devenir ces gens-là, devenir les Méliès du jeu vidéo, quoi. On sent que dans ce que tu évoques, il y a une forte proximité avec le web documentaire. C'est quelque chose d'intrinsèquement lié par nature au jeu d'information, ou c'est du fait de rencontres de personnes? Non, je pense que c'est lié à la forme du jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on veut faire un jeu vidéo qui transmet de l'information, assez rapidement on se rend compte qu'on ne peut pas suivre le rythme de l'actualité chaude. Parce que si on suit le rythme de l'actualité chaude, on va devoir faire un jeu en quoi? Un jour, trois jours, cinq jours. Et donc, au mieux, on va arriver à ce que fait le site Us versus Them, dans lequel on va avoir des petits jeux, parfois qui sont basés sur des idées absolument brillantes et qui font réfléchir sur un sujet d'actualité, mais qui vont quand même pas chercher très loin. Et moi, j'avoue que j'ai bossé 10 ans dans la presse magazine pour les enfants, j'ai été habitué à avoir envie de prendre mon temps pour expliquer les choses. Et donc ça, forcément, ça m'oriente plus vers une démarche documentaire que vers une démarche journalistique de hard news, comme on dit, c'est-à-dire l'actu chaude, l'actu dans l'instant, l'actu des sites d'information en continu. Et donc, comme je suis plus attiré par ces formes documentaires, naturellement, quand on dit documentaire plus interactivité, ben, on arrive sur le web documentaire. Et donc, quand j'ai voulu commencer à proposer des projets interactifs, je me suis dit, il faut que j'aille, que je me rapproche des gens qui font du web documentaire et que je leur dise, mais vos web documentaires, avec un petit peu de game design, voire avec beaucoup de game design, ils pourraient être intéressants. Je dis pas que tous les web documentaires ont besoin de game design, sûrement pas. Ce que je dis, c'est que de l'analyse que j'ai faite des web documentaires, il y avait souvent un problème qui était il y a tellement de choses, il y a tellement de contenu, il y a tellement d'endroits où on pourrait cliquer, etc. Et tellement peu de guides pour l'utilisateur que hyper rapidement, ben, on ne sait pas quoi faire. On est complètement perdu comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Or, le game design, comme je disais tout à l'heure, c'était, entre autres choses, proposer un objectif à atteindre à l'utilisateur. Et il me semblait que dans le web documentaire, le design d'expérience dans lequel on proposerait un objectif à atteindre serait déjà plus intéressant parce qu'on interpellerait l'utilisateur et on lui donnerait envie de relever le défi en quelque sorte. Et donc naturellement, bah, j'ai commencé à aller voir des gens qui faisaient des webdocs en leur disant « peut-être que je peux essayer de vous apporter quelque chose de ce côté-là ». Et ensuite, ça s'est enchaîné un peu naturellement. Alors justement, c'est une très bonne occasion de peut-être faire un retour d'expérience vis-à-vis de Formac Monnaie, où tu as justement aidé un grand auteur de webdocu, qui est David Dufresne, qui était déjà connu pour Prison Valley. Quelle a été ta participation à Formac Monnaie? Qu'est-ce que tu as apporté en matière de game design? Alors, ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que David Dufresne, c'est quelqu'un qui est très sensible à la technique, qui touche pas mal sa bille en développement, notamment certains langages de développement dont j'ai même oublié le nom tellement ça m'est étranger, et qui aussi a eu une enfance de joueur, même si ça a jamais été un hardcore gamer à fond la caisse, il avait déjà cette sensibilité au jeu. Et donc quand il a fait Prison Valley, il a fait un web documentaire finalement presque linéaire, c'est ce qu'il appelle en arête de poisson, c'est-à-dire une colonne vertébrale narrative et quelques décrochages possibles. Il n'est pas allé très loin vers la piste du jeu. Et à mon sens, d'après ce que j'ai compris des diverses interviews que j'ai lues de lui, c'était un moyen de tâter l'eau pour savoir un petit peu quelle température c'était. Et quand il a vu qu'elle était bonne, il s'est dit, bah, cette fois, je veux aller plus loin. Et il me semble que le jeu peut être un outil hyper intéressant pour susciter le débat. Alors, c'est pas à toi, Adrien, avec Notre-Dame-des-Landes News Game que je vais... Enfin, je ne veux pas avoir besoin de te convaincre. Et il s'est dit, je veux faire un jeu, je veux faire un vrai jeu. J'ai en tête SimCity, j'ai en tête des jeux d'aventure, j'ai en tête plein de choses. Voilà, je veux bâtir un web documentaire qui serait un vrai jeu avec une partie simulation et tout. À partir de là, il s'est dit, ok, mais moi, j'y connais rien en fait, quoi. J'ai une petite expérience de joueur, mais je ne suis pas game designer. J'ai besoin de références. Alors, ce qui était bien avec lui, comme d'habitude, c'est qu'il avait une vision très précise de ce qu'il voulait. Ce qu'il n'avait pas, c'est des éléments, des références, des jeux à tester pour savoir quelle mécanique en place pour s'en approcher. Et donc, mon apport, ça a été de lui dire, alors, quelle est ta problématique? Ah bah là, par exemple, je sais pas comment faire pour les dialogues. Alors, bah là, tu peux aller voir comment Fallout New Vegas gère les dialogues, comment les dialogues sont gérés dans tel jeu, comment les dialogues sont gérés dans tel autre jeu. Quelle est ta problématique? Bah là, je me demande si ce serait bien d'avoir une voix de narrateur ou pas. Alors, bon, bah, tu peux aller voir dans Grim Fandango, regarde, c'est le héros qui raconte sa propre histoire. Dans ceci, il y a un narrateur extérieur, dans cela, etc., etc. Donc, pas mal d'allers-retours comme ça, qui était, il m'expliquait des problématiques concrètes qu'il avait par rapport à ce qu'il avait envie de faire. Et en utilisant ma culture du jeu vidéo, qui n'est pas non plus énorme, mais un peu plus rompu à l'exercice de dégager des mécaniques qui existent dans des jeux de divertissement pour voir comment on peut les appliquer dans des jeux à vocation plus de transmission d'informations, bah, je pouvais lui pointer du doigt, va voir tel jeu, va voir tel exemple, regarde tel screenshot, etc. etc. Voilà, c'est à ça que c'est résumé mon modeste rôle sur ce pharaonique projet. Merci pour cette petite explication. J'aurais voulu savoir quel est selon toi le lien de parenté entre le jeu d'information et le jeu sérieux dont on entend de plus en plus parler, notamment dans des cadres de formation. Ouais, en fait, moi, je vais vous faire une confidence. J'espère que personne n'écoutera jamais ce podcast. je crois que le jeu sérieux, c'est une vaste fumisterie. Enfin, c'est pas tout à fait. Parce que pour le coup, c'est des jeux où il s'agit de transmettre des informations, on est bien d'accord. Ouais, mais en fait, voilà. Il me semble que tous les jeux transmettent des informations. Il me semble que tous les jeux sont sérieux. Si t'as déjà joué avec un mec, tiens, on parlait de jeux de plateau tout à l'heure. Si t'as déjà joué au risque avec quelqu'un qui est mauvais joueur, t'as probablement pris le plateau de jeu dans la tronche parce que tu lui avais piqué le Kamchatka et que quand même c'est important d'avoir le Kamchatka au risque. La personne qui joue, au moment où elle joue sérieusement. Elle joue dans le but d'atteindre l'objectif, de gagner, de sauver la princesse, de tout ce que tu veux. Donc, je me permets quand même d'ajouter que si effectivement on sent que tu joues pas beaucoup au jeu de plateau, parce que pour citer Risk, c'est qu'on est vraiment dans les vieux machins quand même. Et attends, Risk, Monopoly, la bonne paye, tu vois. Je vois bien. Non, les costauds, tout de suite. J'aurais pu te dire Carcassonne ou. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai quand même joué à quelques trucs plus récemment, mais c'était parce que j'avais envie de placer le mot Kamchatka que j'adore. et qu'il n'y a pas de Kamchatka dans Carcassonne. Tout ça pour dire que. Serious game, c'est une bonne intention, c'est-à-dire avoir envie de définir le fait que tu veux faire autre chose que du divertissement dans ton game design, mais c'est aussi une manière de convaincre les grands comptes que on va vous faire du jeu vidéo, mais attention, hein, ce sera pas du jeu vidéo pour les débiles, ce sera du serious jeu vidéo, quoi. Donc vous pouvez allonger les 200 000, les 300 000, les 400 000 euros, parce que notre jeu, il est serious. Et en fait, ce côté un peu, on n'assume pas complètement qu'on fait du jeu, on a besoin de lui apposer l'adjectif sérieux. Moi, ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu qu'on ait besoin encore aujourd'hui, combien de temps, 50 ans après l'invention du jeu vidéo, de se cacher derrière son petit doigt comme ça. Jeu de formation, jeu de publicité, jeu de sensibilisation, ok, très bien. Mais serious game, ça sous-entend que les autres jeux sont pas sérieux et en fait, moi, ça me saoule. Ça me hérisse le poil un petit peu qu'on ait besoin d'avoir recours à des subterfuges comme ça. Voilà, c'était mais du coup, pour répondre à ta question, les jeux d'information, ou alors plus exactement les jeux sur le réel, parce que les jeux du réel, j'ai envie de faire évoluer la terminologie que j'utilise pour désigner ce que je fais, et je pense que je fais des jeux du réel comme certains cinéastes font du cinéma du réel. Voilà, parce que c'est pas que de l'info, je fais pas que de l'information forcément. Je peux faire, par exemple, j'adore le travail de Pierre Corbinet qui fait des jeux sur le quotidien. Et il me semble que Pierre et moi, on fait la même chose en fait. On fait des jeux sur le réel, des jeux du réel. Et je suis pas si attaché que ça à l'appellation news game par exemple, parce que quand je fais Sauvons le Louvre, il y a pas un gramme de news là-dedans. Il y a une visée. De parler d'une chose qui s'est vraiment passée et qui est réelle, voilà. Ça m'intéresse plus. Bref, les jeux du réel, les news games, les docu-games, appelle-les comme tu veux, ce sont des serious games. C'est-à-dire, ce sont des jeux qui n'ont pas pour objectif principal le divertissement. Mais après, le terme serious game, vous l'aurez compris, il me saoule. Et je vais utiliser un autre terme qu'on prépare un petit peu à toutes les sauces en ce moment, c'est gamification ou ludification. C'est quoi ton regard là-dessus? Parce que pour le coup, on peut le prendre dans les deux sens. On peut dire que des jeux sur le réel, c'est des jeux où on va travailler une approche du réel plus informative, mais on peut aussi dire aussi que c'est un traitement de l'information où on va mettre un peu plus d'interactivité parce que du coup, les gens vont s'amuser et vont venir cliquer plus sur mon site que sur le site de mon concurrent. Ouais. Et c'est pareil, mais en pire. C'est pareil que Serious Game, mais en pire. C'est-à-dire que la gamification, c'est la deuxième activité que tu as décrite, là. C'est utiliser des mécaniques de jeu pour faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. C'est prendre une branche de brocoli et la recouvrir de fromage fondu pour faire croire que c'est super bon alors que les gens détestent les brocolis, tu vois. Il y a Adrien qui est en train de secouer les bras à côté parce qu'il trouve l'idée formidable, visiblement. Bah écoute, tu pourras essayer, tu me diras si c'est bon. Moi, j'en doute un peu. Avec plaisir. En fait, le truc qui m'embête, c'est l'utilisation de mécaniques extrinsèques parce que l'activité intrinsèque n'a pas suffisamment de valeur et que tu veux essayer de faire croire aux gens qu'elle est super, qu'être téléconseiller dans une boîte de télémarketing, c'est un boulot super génial parce qu'on gagne des points et qu'à la fois, à la fin, on peut éventuellement avoir un badge. Et ça, moi, c'est pareil. Au contraire, je trouve ça pervers et utilitariste au possible. Et j'ai envie de dire, la différence entre quelqu'un qui ferait de la gamification et moi, c'est que moi, je fais des jeux vidéo. Je suis game designer, je fais une expérience régie par des règles dans laquelle l'utilisateur a un objectif et qui varie en fonction des actions de l'utilisateur. Je fais vraiment des jeux vidéo, quoi. La seule différence avec les jeux vidéo tels qu'on les définit habituellement, c'est que mon objectif de design en tant que game designer, c'est la transmission d'informations, c'est parler du réel. Et c'est pas d'abord le divertissement. Mais sinon, je fais des jeux vidéo. Quand je bâtis mes règles du jeu, je les bâtis non pas en me posant la question quelles vont être les règles qui vont rendre l'expérience la plus fun possible, mais quelles vont être les règles qui vont rapprocher mon expérience le plus possible du réel que je suis en train de dont je suis en train de m'inspirer pour raconter une histoire. Voilà. Mais néanmoins, je bâtis des règles qui ont du sens intrinsèquement dans l'expérience, puisque mon expérience, c'est un jeu. Je ne vais pas chercher des règles dehors, telle action va rapporter 2 points, telle action va rapporter 5 points, telle action va rapporter 10 points, pour les coller sur une activité qui n'a rien à voir avec ces règles. Pour moi, dans mes jeux, les règles du jeu sont directement liées aux propos que j'ai envie de transmettre. Alors, je vais reprendre ton expression au bon de jeu du réel. En fait, je voulais avoir ton retour d'expérience sur Anarchy, que si j'ai bien compris, tu as travaillé dessus et donc qui. Ah, d'accord, ok, tu es au cœur de l'anarchie, très bien, bon à savoir. Peut-être peux-tu nous présenter ce jeu personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de jouer, mais justement, c'est un jeu qui a l'air de se jouer justement du réel et notamment de l'information, de la hard news dont tu sembles pas être critique dessus, dirons-nous. Je suis un petit peu critique dessus, effectivement, mais c'est un autre sujet. En fait, Anarchy, là, pour le coup, c'est une fiction. Mais c'est une fiction. En fait, c'est exactement une uchronie. C'est qu'est-ce qui se passerait si, à un moment, pour une raison particulière, la réalité que nous connaissons prenait un autre chemin. Et là, en l'occurrence, le point de départ d'Anarchy, c'est une énorme banque française fait faillite du jour au lendemain. Et en plus, c'est une faillite un peu dégueulasse. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah ben, on a fait faillite parce qu'on n'avait pas un bon modèle économique. C'est, on a placé des milliards et des milliards sur les marchés financiers et on fait faillite parce qu'on se fait niquer, quoi. Une Et, situation François, complètement improbable. complètement improbable, totalement. Pff, non, c'est voilà. Et François Hollande, ne pouvant pas se permettre de laisser la banque faire faillite, demande à l'Union européenne l'autorisation d'augmenter le déficit de la France. Autorisation refusée par l'Union européenne qui oblige la France à adopter des mesures drastiques d'économie dictées par le FMI, ce sur quoi François Hollande dit c'est inacceptable, je n'ai d'autre solution que de décider la sortie de la France de l'eurozone du jour au lendemain. Donc, le premier jour d'anarchie, qui était le 30 octobre dernier, la France est sortie de l'euro. Mais elle n'est pas juste sortie de l'euro, elle est sortie de l'euro en catastrophe, de manière complètement non préparée et vraiment violente, quoi. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important ça? Parce que assez rapidement, on nous a reproché, ah, mais vous êtes contre les théories de sortie de l'euro, alors que sortir de l'euro, ça peut être une bonne solution, etc. Non, on n'est pas contre la sortie de l'euro, on n'a pas d'avis là-dessus. Ce qu'on voulait, nous, c'est un postulat dramatique, qui était, qu'est-ce qui se passerait dans une France qui doit sortir du jour au lendemain de l'euro et qui n'a absolument pas préparé ça. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est forcément que ça se passe. C'est normal puisqu'on a mis en place une proposition qui a une visée dramatique. Pourquoi? Parce que ce qu'on propose aux joueurs, c'est un gigantesque atelier d'écriture. C'est-à-dire que vous pouvez écrire la suite de l'histoire. Je ne sais pas aujourd'hui comment Anarchie, qui se termine le 18 décembre, va se terminer. Je ne sais pas. Ce sont les joueurs qui ont créé des contes, qui ont créé des personnages, qui répondent aux appels à témoignages, qui écrivent de la fiction sans même qu'on leur demande, qui vont décider comment cette aventure va se terminer. Finalement, là, on est dans une modalité qui se rapproche, pour le coup, d'un support que je connais assez bien. On est dans une... Adrien est déjà en train de rire derrière moi. On est dans une modalité qui se rapproche furieusement du jeu de rôle quand même. Ah oui, d'ailleurs, je suis allé sur des sites de jeux de rôle en disant aux gens, venez essayer notre truc. Et ils m'ont un peu snobé parce que je crois que pour les vrais rôlistes, ça doit avoir une drôle de gueule, cette histoire. Mais normalement, on est tout à fait dans le jeu de rôle. Nous, Roland Richard, qui a participé au Game Design avec moi et moi, on avait vraiment cette envie de proposer un jeu de rôle. Pour tout un tas de raisons, on n'a pas pu avoir... on a eu quasiment pas de marge de manœuvre dans le Game Design, donc il n'y a quasiment rien en termes de règles du jeu, d'autre que éclatez-vous à écrire des histoires et on va chaque jour vous donner une actualité qui va nourrir votre imagination pour que vous écriviez chaque jour des nouveaux morceaux d'histoire. Mais évidemment que nous, ce qu'on voulait, et ce qui arrive, c'est que les gens se prennent au jeu et créent des personnages et soient en mode jeu de rôle. Et c'est super parce qu'on a, environ 300 utilisateurs qui tous les jours viennent donner à leurs personnages des nouveaux textes, des nouvelles productions, des nouvelles réactions à ce qui se passe dans l'actualité, etc. etc. Donc c'est super. Tu disais que dans ce cas précis, vous avez eu très peu de marge de manœuvre sur le game design. Alors, ça m'amène à deux questions. La première, c'était que tout à l'heure, tu expliquais que le game design de tes jeux fait sens dans l'information que tu veux transmettre. Là, pour le coup, il me semble percevoir pas une contradiction, mais en tout cas un petit hiatus. Et puis l'autre, c'était justement, est-ce que vous avez été regardé du côté de ce qui peut se faire en jeu de rôle, en production de, ou en jeu qui a pour propos de produire un récit collaboratif comme ça? Ouais, moi j'ai. Alors pour répondre à ta deuxième question d'abord, j'ai fait pas mal de recos, comme on dit, sur ces jeux-là, et on a essayé de s'en inspirer pas mal dans la structure. Ce que je te disais sur le game design, c'est que on avait mis en place toute une série d'interactions possibles entre les personnages, des liens de parenté, des liens de filiation, amis, ennemis jurés, etc. Tout un tas de choses qui étaient liées à des règles de scoring. Par exemple, on peut tuer les gens dans l'anarchie. Et quand tu tuais quelqu'un que tu connaissais, tu pouvais hériter, ou tu pouvais, enfin, des trucs comme ça qui étaient assez sympas. C'est juste qu'en fait, on a une certaine définition du sympa. Voilà, c'est ça, du sympa un peu. Bon, c'est l'anarchie, hein, donc. Faut jouer le jeu. C'est ça. Et on n'a pas pu le faire tout simplement pour les questions de calendrier de production. C'est-à-dire que la production, après avoir pris beaucoup de temps à se développer, s'est décidée très rapidement. Donc, on a eu à peine 3 mois pour remballer le truc et le mettre en ligne. Donc, plein de ces features-là ne sont finalement pas restées, mais c'est pas très grave, parce que la feature principale était cette idée d'atelier d'écriture à 1000 mains, et celle-là, elle est complètement relevée, il me semble. Parce que je vous disais qu'il y avait 300 utilisateurs qui écrivent quasiment tous les jours, mais il y a 2400 utilisateurs qui écrivent de manière... beaucoup moins assidu qu'une fois tous les jours, mais ça fait quand même une grosse communauté, donc on est quand même super content. Et pour répondre à ta première remarque, tu as tout à fait raison, il y a un hiatus, c'est simplement parce que Anarchie est une fiction. Anarchie n'est pas un jeu qui parle du réel, pour le coup. C'est un jeu qui parle d'un peut-être. Qu'est-ce qui se passerait si? Mais à la différence de tous mes autres jeux, ce n'est pas un jeu qui parle du réel, c'est un jeu qui parle de qu'est-ce que le réel pourrait devenir. Mais c'est une fiction, Anarchie. C'est pas un jeu documentaire. Oui, une espèce de dystopie prospective, quoi. Voilà, exactement. Et en même temps, un exutoire, parce que on se veut pas réaliste non plus. Ni nous dans ce qu'on propose dans l'arche d'actualité, puisque Anarchie marche comme un site d'actu. Tous les jours, vous avez de nouvelles infos qui sont présentées sous forme d'articles et qui peuvent vous servir pour que vous trouviez l'inspiration pour vos personnages. Ni dans ce qu'on propose dans l'actu, ni dans ce que les gens proposent comme contribution, il n'y a d'obligation de réalisme. Il y a des gens qui se posent ça comme contrainte tout seul, mais il y a aussi des gens, là, il y a un mec qui, il y a 3 jours, a descendu quelqu'un au lance-roquettes en plein Paris. Donc voilà, on est dans une fiction, quoi. Si des gens ont envie de délirer et de prendre l'anarchie au pied de la lettre, ils peuvent le faire aussi. Il y a pas de... C'est plus la... l'expérience intellectuelle qui est intéressante. C'est une fois qu'on a bien déliré, qu'est-ce qu'on en retient? En quoi on a fait des parallèles entre la vraie vie qu'on vit tous les jours et ce qu'on a exprimé cathartiquement dans l'univers d'Anarchie? C'est plus ça qui est intéressant que une éventuelle valeur documentaire du contenu qui est produit dans le site. Alors peut-être moins pour ce jeu-là, mais est-ce que tu as déjà été tenté pour d'autres de tes productions d'aller chercher du côté du real-life video game, ces jeux qui ont une partie dans le jeu et puis une partie extérieure au jeu, justement, des faux sites en ligne, des fausses adresses email, enfin des éléments où le joueur va pouvoir se plonger. Pour le coup, quand on parle de jeu du réel, c'est une modalité de jeu qui vient assez vite en tête, finalement. Alors, on a tous nos petits sabirs pour ce genre de truc. Moi, j'avais entendu parler d'Alternate Reality Game, ARG, quoi, pour ces trucs-là. Un peu comme ce que Eric Viennot a fait avec Altminds ou que d'autres producteurs, notamment pas mal d'anglo-saxons, ont fait autour d'autres projets de fiction. Il y avait eu un truc comme ça pour Lost, etc. À des fins publicitaires, effectivement. Ouais. Enfin, même pas vraiment publicitaire, mais plus à destination des fans hardcore de la série. En planquant des trucs à droite à gauche sur le net, en disant nulle part que ça existe et en laissant les mecs les plus accros les débusquer eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'archéologie narrative. C'est assez intéressant comme mécanique. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il me semble que pour le moment, les projets qu'on a vus, et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait ranger Anarchy dans cette catégorie-là, sont encore trop compliqués. C'est-à-dire que pour que cette forme-là devienne grand public, j'attends la première comédie romantique grand public. Et d'ailleurs, en fait, j'ai plus besoin de l'attendre parce que Plus belle la vie là propose un ARG qui s'appelle Love Lose et qui est, j'ai entendu, je sais pas qui de vous deux a rigolé, je comprends que ça C'est moi, c'est suscite, moi. voilà, je comprends que ça te taquine. Néanmoins, j'y vois quelque chose d'hyper intéressant qui est de dire, je vais faire un ARG, certes, mais un ARG pour Madame Michu. Et quand je dis Madame Michu, ça n'a absolument rien de péjoratif. C'est-à-dire que je pense que faire son petit truc de geek avec des théorie du complot, avec des énigmes où il faut se mettre à 53 mecs qui ont 160 points de QI pour réussir à les dépatouiller, etc. C'est super, mais arrêtez de vous toucher la nouille, les mecs, quoi. C'est très bien, mais si jamais un jour vous voulez... D'ailleurs, peut-être que vous en avez rien à foutre, et c'est cool aussi, mais si jamais un jour ça vous intéresse que cette forme-là gagne un petit peu en ampleur et puisse avoir des budgets, par exemple, aussi pragmatiquement que ça, puisse avoir des budgets qui vous permettent d'imaginer des trucs... costaud, bah peut-être qu'il va falloir vous sortir de votre position d'élite et faire un petit peu de vulgarisation. Moi, j'ai passé de ma carrière de journaliste à faire de la vulgarisation de l'information. J'ai l'impression que beaucoup de gens et beaucoup de passionnés dans beaucoup de domaines gagneraient à faire de la vulgarisation aussi. Tout à l'heure, j'ai vu un mec qui faisait de la vulgarisation de mathématiques via des vidéos YouTube. Je me suis dit, mec, t'as tout compris, quoi. Si j'avais vu des mecs comme toi quand j'étais en cours de maths et que je pifferais rien, j'aurais peut-être pu me dire, en fait, ça a l'air cool et intéressant, les maths, quoi. Voilà, j'ai envie que les gens se disent, pas les ARG avec des trucs planqués à droite à gauche, ça a l'air cool et intéressant, et pas ça a l'air d'être infaisable à part si t'es un mutant qui a pas de vie et qui passe 18 heures par jour, quoi. Alors effectivement sur l'ARG, moi je conseille notamment Buzz de Frank Rose qui est sorti sur les éditions Sonatine notamment, qui propose justement plein de retours d'expérience sur les choses comme ça, et notamment sur Batman ou sur Manu pourra me renseigner sur le projet de Trent Reznor de. Alors c'est sur voilà, c'est sur le projet autour de Nine Inch Nails et de l'album Year Zero qui avait été pas mal travaillé sur cette approche-là, oui. Ils avaient laissé des clés USB dans les chiottes du concert. C'est ça, et ça donne un truc totalement dingue. Donc voilà, je conseille ce bouquin-là pour ceux qui souhaitent approfondir. Je voulais un peu revenir sur la notion de game design. Du coup, comment on arrive à articuler, parce qu'après ça revient peut-être à Manu que je dois poser cette question, comment on arrive à articuler un jeu avec autant de liberté? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas ta question. Sur Anarchy. Donc c'est une nouvelle par jour. Et comment on arrive à influer dans l'anarchie, justement? Eh ben, je crois que le truc, c'est que justement, on n'influe pas, quoi. On ne sait pas, on est en slip, là. Vraiment, si jamais les contributeurs se mettent à écrire de la merde ou des choses incohérentes ou des choses qui sont très mauvaise au niveau littéraire ou scénaristique, eh ben, tant pis, on est tributaire de ça fait partie de l'expérience. Donc, il faut, c'est marrant parce que Le game designer est quelqu'un d'assez contrôle freak, quoi. Il aime bien voilà, savoir comment se comporte la moindre de ses variables, et je comprends tout à fait pourquoi. Hein, Bah oui, puisque le projet du game design, c'est de provoquer des comportements chez les joueurs, finalement. Exactement, exactement. Et anarchie, c'est l'inverse. Anarchie, c'est. Et c'est pour ça que aussi, je trouve ça bien que finalement, on ait un game design minimaliste. C'est que tout l'intérêt, c'est que ce soit nous qui nous adaptions aux joueurs et pas le joueur qui se plie aux règles. Enfin, dans une certaine limite, parce que justement là, ce matin, on avait le cas, il y avait des joueurs qui disaient, ah, mais c'est injuste que telle activité rapporte des points, plus de points que telle autre activité. Et là, on leur a dit, vous êtes bien gentils, les gars, mais quand vous jouez aux échecs, vous dites pas, ah, mais c'est injuste que le fou ait le droit de bouger en diagonale et pas la tour, quoi. Donc, Alors que il y a quand pourtant, même. c'est quand C'est vrai même que c'est dégueulasse. injuste, mais c'est la vie qui est injuste, tu sais. C'est ça qui est terrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur un projet comme Anarchie, c'est jusqu'aux règles du jeu qui sont coécrites entre les utilisateurs et nous. Voilà. Les utilisateurs ont. Mais c'est le hacking, hein. Les utilisateurs ont pensé à faire des trucs qu'on n'avait pas imaginés. Par exemple, il y a un utilisateur qui s'est suicidé, qui a suicidé un de ses personnages. Ben, on n'avait pas pensé à cette possibilité-là. On ne l'avait pas écrite dans les règles. Il l'a fait spontanément. On a vu ça remonter. On s'est dit, ouais, ok, super, génial. À partir de maintenant, on permet que les utilisateurs suicident un de leurs personnages s'ils ont envie, si narrativement c'est intéressant, si ça apporte quelque chose à l'univers. Nous, ça nous va très bien, quoi. On est partant. Ça demande un peu de plasticité et ça demande aussi de renoncer à la cohérence globale. C'est-à-dire que dans tout ce qui est produit tous les jours sur Anarchie, il y a des choses qui se contredisent, il y a des choses qui sont. Voilà. Mais heureusement, nous, on est dans une position d'un site d'information et donc on peut justifier ça comme ça en disant un tel a dit ça et Bidule a dit ça, on a mené notre petite enquête et en fait il s'avère que la vérité c'est ça. Donc on se pose un peu en rôle d'arbitre maître du jeu parce que on émet du point de vue d'un organe d'information qui mènerait lui-même ses propres enquêtes, etc. Donc c'est comme ça qu'on rattrape les coups. Mais en vrai, on est en slip. En vrai, on ne sait pas ce que ça va devenir, et c'est ça qui est super dans ce projet. C'est rigolo parce que pour le coup, tu citais le terme de maître du jeu et effectivement, on voit des vraies, vraies proximités avec le rôle de meneur de jeu dans une partie de jeu de rôle. On a passé l'heure de podcast depuis quelques secondes. On va pas tarder à remballer du coup. Avant, j'aurais eu une dernière question, Florent, question qu'on essaye de poser assez régulièrement à nos invités. En ce moment, à quoi tu joues et pourquoi? Alors, écoute, figure-toi que c'est super que tu me poses cette question parce que j'ai une fille qui a 2 ans et ma vie a pas mal changé depuis qu'elle est là et notamment les heures passées devant l'ordinateur ont relativement, enfin les heures passées à travailler ont augmenté et celles à passer à jouer ont diminué. Mais ce week-end, elle part avec sa mère chez les beaux-parents et donc ça fait 5 ou 6 jours que je suis en train d'installer les centaines de trucs que j'ai sur ma librairie Steam et que je n'ai jamais eu l'occasion de tester pour me faire une vilaine orgie ce week-end. Donc, D'accord. dans ma liste, j'ai Black Ops, dont on m'a dit que ça donnait un vrai twist au FPS et que ça fait une éternité qu'il est sorti et que ça fait bien longtemps que je devrais y jouer. J'ai la saison 2 de The Walking Dead, dont je me suis absolument interdit d'y jouer tant que les 5 épisodes n'étaient pas sortis parce qu'il était hors de question que j'attende entre 2 épisodes. C'était vraiment pas un truc qui me. Mon expérience avec le premier avait été trop intense pour que je supporte d'attendre entre 2 épisodes si la deuxième saison est aussi bien que ça. J'ai This War of Mine dont on parlait tout à l'heure que j'ai acheté et téléchargé dans la foulée parce que ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu ce que ça dit. Et puis j'ai 3 4 autres trucs comme ça qui m'attendent. J'aurai jamais le temps de jouer à tout ça, sachant qu'en plus j'ai un petit péché mignon pour Pro Evolution Soccer 3 que j'ai installé dans une borne d'arcade que j'ai dans mon bureau et qu'à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je joue à ça alors que je le connais par cœur celui-là et que ça n'a aucun intérêt de plus que le kiff de ce jeu. Non mais chacun ses kiffs, hein. On a entendu dire que certaines personnes pouvaient avoir des gros gros fixes sur Football Manager, donc Ouais, c'est aussi mon cas, malheureusement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a discuté avec Mathieu Triclot une fois, on s'est bah croisés, on est tiens, rentrés. Voilà. justement. Voilà. C'est ça. Et moi, alors, je suis allé jusqu'à laisser mon CD d'installation de Football Manager dans la maison de campagne de ma mère parce que c'était horrible quand je l'avais chez moi. C'était vraiment une drogue dure. Genre, j'y jouais un quart d'heure avant de partir au taf, j'arrivais en retard au taf, etc. Donc, j'ai fini par le laisser dans la maison de campagne et je n'y joue que quand je suis en vacances, ce qui fait gueuler ma famille parce qu'ils ne me voient pas du coup. Mais néanmoins, c'est quand même assez cool. Eh ben, merci beaucoup Florent pour avoir répondu à nos questions. Je vais laisser le mot de la fin à mon camarade qui est juste à côté, Adrien. Eh ben, peut-être parce que moi-même, je suis un peu concerné par les choses. Je veux juste une toute petite question de fin. Ton conseil peut-être pour de jeunes journalistes game designers? Mon conseil principal, ça va être d'aller chercher des idées là où vous ne pensez pas qu'elles puissent s'appliquer à un jeu du réel, appelons-les comme ça, allez, pour me faire plaisir. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il faille... encore une fois, ce que je te dis là, c'est comment dire, soumis à toutes les parenthèses du monde, parce que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir la science infuse sur la question, et j'ai encore plein de choses à débusquer, et toi aussi, et tous les gens que ça intéresse aussi. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille se dire « je pars de cette actu, comment est-ce que je pourrais trouver des règles du jeu qui vont avec ?» Je ne pense pas qu'il faille se dire « cette mécanique de gameplay-là, elle est super bien, je veux absolument trouver un sujet qui va s'y coller. » Je pense que l'alchimie est un peu plus complexe que ça, et qu'il faut infuser le sujet et jouer à plein de trucs, même dans des directions qui ne te paraissent pas du tout collées avec le sujet, et qu'à un moment, bah, il va y avoir quelque chose qui va s'imposer, et que tu vas dire « tiens, mais ça, en fait, même si la dernière fois que j'ai vu cette mécanique-là, c'était dans un tower defense spatial avec des gros ergs dégueulasses, en fait, pour illustrer le déplacement des œuvres d'art de dépôt en dépôt dans Sauvant le Louvre, un jeu qui se passe en 1940 et dans lequel tu incarnes le directeur des musées nationaux, en fait, ça marcherait vachement bien. Et donc, en fait, mon seul conseil, c'est d'avoir la culture générale la plus large possible en matière de game design et de pas avoir peur de... On va repartir dans les métaphores culinaires, mais de pas avoir peur de mélanger les huîtres et les fraises et la chantilly et un petit peu de... Voilà. Et puis l'autre conseil que j'ai à te donner, c'est aussi de ne absolument pas avoir peur de piller allègrement les travaux de gens qui sont passés avant toi. Parce que premièrement, c'est comme ça que marche tout processus créatif. Et que deuxièmement, utiliser des choses qui existent en game design de divertissement pour les appliquer à la transmission de l'information, c'est déjà beaucoup de boulot. Donc, si tu peux t'appuyer sur un game design dont tu sais qu'il marche, par exemple, jeu d'influence est une ressucée sur beaucoup de points du game design de The Walking Dead, et j'ai absolument aucun problème avec ça. Si on me dit « Ah, mais t'as copié The Walking Dead », je vais dire « Mais bien sûr que j'ai copié The Walking Dead », parce que quand j'ai joué à The Walking Dead, j'ai pris la baffe la plus incroyable de ma vie, et que je me suis dit « Mais si au lieu de parler de zombies, ça parlait d'un sujet du réel, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et que donc j'ai regroupé ce que j'ai compris du game design de The Walking Dead, en le transposant à un autre sujet. Et vraiment, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, n'hésite pas à copier, à piller, à plagier, du moment que tu le fais dans un objectif qui est de transmettre une vision du réel, de transmettre une info, de transmettre une connaissance, et pas juste de divertir. Parce que si c'est pour refaire un jeu de divertissement, là tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir Sean Vanaman qui va t'appeler, qui va te dire « t'es gentil, mais ça c'est mon jeu, j'apprécie moyennement que tu me choures ». Donc voilà, piller pour informer, jouer, beaucoup de mots pour cette fin. Merci beaucoup Florent, et à dans 15 jours pour un nouveau podcast. À bientôt, salut.